Histoire de la Bretagne ancienne et moderne, écrit par Charles Barthélemy de Paris en 1854, lu par Armen pour audiocité.net. Malo mare quam fedari, j'aime mieux mourir que de me souiller. Avant-propos, l'histoire est la leçon des peuples. Elle est aussi celle des familles et des individus. C'est ainsi que nous avons compris la composition de ce livre, puisé aux meilleures sources. Il nous suffira de citer pour la partie antérieure à la réunion de la Bretagne à la France le vieux d'Argentré, Alain Bouchard, le Beau, les Bénédictins, messieurs de Roujou, Aurélien de Courson, Daru, etc., etc. Pour l'époque révolutionnaire, nous devons beaucoup à messieurs du Châtelier, Pitre Chevalier, Crétineau Joly, aux mémoires contemporains de Madame de la Roche-Jacquelin, de messieurs de Montbron et de Villeneuve sur l'expédition de Quiberon, aux patientes recherches de Monsieur Dessepot sur la chouannerie et à tant d'autres dont il serait trop long d'enregistrer les noms. À tous, respect et reconnaissance. Ce livre se divise en 5 parties. La première, depuis l'origine de la Bretagne jusqu'à nommer Noé, le premier des rois bretons, dont l'existence soit bien certaine, 825. La seconde, depuis nommer Noé jusqu'au premier duc de Bretagne, 877. La troisième, à partir de ce premier duc, jusqu'à la réunion de la Bretagne à la France, en 1582. La quatrième, de la Réunion et de la Ligue aux préliminaires de 1789. Enfin, la cinquième et dernière, de 1789 à 1832. Cet ordre nous a semblé le plus logique et le plus commode en même temps. Il facilite la lecture de cette histoire que nous avons cherché surtout à remplir de faits neufs et piquants. Persuadé qu'un récit historique doit être avant tout un enchaînement de faits plutôt qu'un réquisitoire en faveur d'un système quelconque, conçu a priori, nous avons cherché à être anecdotique dans l'acception vraie et sérieuse de ce mot, en révélant des détails peu connus et en jetant une nouvelle lumière sur ceux qui le sont mal, soit parce que l'esprit de parti les a travestis, soit parce que les sources auxquelles on les a puisées sont suspectes ou empoisonnées. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité, telle a été notre devise. Nous avons cru ne pouvoir trouver un plus digne pendant à celle de la Bretagne que nous avons prise pour épigraphe de ce livre. Charles Barthélemy de Paris. Première partie, chapitre 1. Origine fabuleuse, César en Armorique, Conan, premier roi de la Petite-Bretagne. En 48 avant Jésus-Christ, 427 de l'ère chrétienne. Le berceau de la Bretagne, comme celui de tous les pays, est entouré de fables héroïques où les peuples ont voulu chercher leur origine pour la faire remonter le plus haut possible. Si l'on ajoute foi à nos premiers chroniqueurs, la France doit son origine à un fils d'Hector, Francus, comme il le nomme, échappé à la ruine de Troie. La Bretagne, si l'on en voulait croire ses vieux analystes, aurait été peuplée, ainsi que l'Angleterre, par Brutus, descendant d'Énée. Et nous pourrions produire la liste de tous les princes qui se succédèrent depuis Ascagne jusqu'à Conan Meriadec, premier roi de la Bretagne armoricaine. Nous ne devons pas et nous ne pouvons nous arrêter à ces détails de pure curiosité. L'histoire ne repose que sur des faits bien établis, et sa sévérité repousse de brillants mais vains ornements. Bornons-nous à rapporter, d'une manière aussi intéressante que rapide, les événements qui précédèrent la conquête de la Petite-Bretagne par Conon. Ces notions serviront de préliminaire à l'histoire de la Bretagne ancienne et moderne. L'Armorique resta dans une obscurité à peu près complète jusqu'au moment où César entreprit d'en faire la conquête avec ses légions. Ce grand général venait de pacifier les Gaules après une résistance longue et infructueuse. Il avait mis des légions en quartiers divers à Chartres, à Tours et à Angers. Dans cette dernière ville s'était retirée la 7e légion, dont Crassus était le commandant. Les vivres étaient rares, et Crassus avait député des tribuns dans les principales provinces de l'Armorique pour hâter le paiement du tribut et surveiller l'envoi des approvisionnements. Trébius et Terracidius s'étaient rendus chez les Eusébiens, dont Dole était la capitale. Marcus Trébius Gallus auprès des Curiosolites à Tréguier. Quintus Vellanus et Titurius Gilius chez les Vénètes, habitants de Vannes. Ces derniers crurent qu'en retenant prisonniers Gilius et Vellanus, ils parviendraient à se faire rendre les otages que Crassus avait pris parmi les familles les plus distinguées. À leur exemple, les Eusébiens retinrent Trébius et Terracidius. Les divers peuples que nous avons nommés formèrent une ligue puissante et résolurent, d'un commun accord, de repousser la servitude que leur avaient apportée les Romains et de ressaisir la liberté que leur avaient léguée leurs aïeux. À peine l'adhésion de toute la région maritime eut-elle été obtenue que les Vénètes et les Eusébiens envoyèrent des députés à Crassus pour lui proposer l'échange des otages. Crassus se hâta d'informer César de ce qui se passait. Le général romain fit construire des vaisseaux sur la Loire et la côte du Poitou et ordonna de réunir des pilotes et des matelots qui devaient être prêts au temps où lui-même aurait rassemblé ses forces de terre. Les Vénètes pensaient bien que César leur ferait un grand crime d'avoir jeté dans les fers les députés romains. Le péril leur apparut dans toute son étendue, mais ils se décidèrent à le braver. Ils préparèrent donc tout ce qui était nécessaire à l'armement de leurs navires. Ils savaient que les maîtres du monde n'avaient que des connaissances imparfaites de leur pays et de la situation de leurs ports, que leurs voies de communication étaient dures et difficiles, et que les troupes de l'ennemi ne pouvaient, faute de vivres, séjourner longtemps sur leur territoire. Ils possédaient de meilleurs vaisseaux que les Romains. Ceux-ci n'avaient jamais pratiqué les plages, les îles, les retraites où les Bretons voulaient les attirer et les combattre. La navigation de l'océan ne ressemblait nullement à celle des fleuves ou de la Méditerranée. Ils s'armèrent donc de courage, approvisionnèrent leurs forts maritimes, réunirent leur flotte à Vannes, dans le golfe du Morbihan, point vers lequel ils jugeaient que César dirigerait son attaque. S'adjoignirent les Léonais, les Trécorinces, les Nantais, les Diablintes, et envoyèrent en outre des députés dans la Grande-Bretagne pour solliciter des secours. César, après avoir pesé toutes les difficultés de l'opération qu'il allait entreprendre, jugea que, dans l'état des choses, il serait imprudent de pardonner l'injure faite à Rome en la personne de ses chevaliers, la rébellion après la foi jurée et par-dessus tout la conjuration de tant de cités. Il songea donc à frapper des coups prompts et décisifs, et après avoir organisé son armée de terre sous des chefs vaillants et expérimentés, il donna le commandement de la flotte romaine à Decimus Brutus en le chargeant d'aller combattre les Vénètes. Lui-même, suivi de ses légions d'élite, s'avança par terre Contre ce peuple redoutable, les diablintes coururent au secours des Vénètes. Viridonyx défendait les frontières des Hunelles et commandait les troupes confédérées que de nouveaux renforts accroissaient chaque jour. La cause des Vénètes et des Eusébiens était devenue celle de tous les cœurs généreux, les chefs des Olerciens ayant émis le vœu de recourir à la clémence de César, avaient provoqué l'indignation des habitants de Ploërmel, au point que, dans leur fureur, ceux-ci avaient massacré plusieurs sénateurs et fermé les portes de la ville, et s'étaient joints en masse aux cohortes de Viridonyx. Ce qui donnait surtout cette énergie au désespoir des Bretons, c'est que les Romains traînaient à leur arrière-garde une foule de brigands, de lâches sans nom, ramassés de tous les coins des Gaules et dont l'unique mission était le pillage, le meurtre et l'incendie. Arrivé non loin du territoire des Dinanais, Sabinus, un des capitaines de César, choisit une assiette favorable, construisit un camp, s'y fortifia et se renferma dans ses tentes comme s'il eût craint son ennemi. Viridonyx s'épuisa en vains stratagèmes pour l'attirer au combat. Les Bretons insultaient chaque jour les clôtures des Romains, qui les laissaient refaire et dont la patience devint bientôt un sujet de raillerie. Sabinus fit répandre adroitement le bruit qu'il était frappé de crainte. Cette rumeur fut propagée par un transfuge gaulois qui parla aux Bretons de la frayeur des Romains, leur apprit que César était vivement pressé par les Vénètes et que la nuit suivante Sabinus devait évacuer son camp pour courir prêter main forte à César. À cette nouvelle, Viridonyx et les chefs, ses collègues, formèrent le projet de combler les fossés du camp des Romains et de profiter du désordre de leur départ pour les attaquer. Les Dinanais passèrent la journée à confectionner des fascines, et chargés de ces fardeaux, ils arrivèrent à minuit jusqu'aux clôtures où Sabinus et ses soldats les attendaient de pied ferme. Pris en face et de flanc, les Bretons s'embarrassèrent dans les fascines et refusant d'écouter leur chef qui voulait sauver le plus possible d'entre eux en ordonnant la retraite, ils se firent tous massacrer par les Romains. Cependant, César marchait contre les Vénètes et son armée s'avançait à la fois par mer et par terre. Les forts des Vénètes s'élevaient sur des roches entourées par la mer quand elle était haute, c'est-à-dire deux fois par jour. Les navires qui eussent porté des soldats au pied des murs seraient infailliblement devenus la proie de l'ennemi à la marée basse. Les ingénieurs romains parvinrent à élever des digues et des chaussées pour donner l'assaut. Mais lorsque les Vénètes se voyaient trop serrés sur un point, leurs vaisseaux les transportaient vers un autre rocher où ils se défendaient de nouveau. César essuya des pertes assez considérables. Les vents avaient retardé ses navires, ils n'arrivaient que les uns après les autres, et ils se trouvèrent pendant un certain temps inférieurs en nombre à ceux des Vénètes. Les vaisseaux des armoricains bretons, plus larges, construits plus savamment que ceux des Romains, tenaient aussi bien mieux la mer, si orageuse qu'elle fût. Les proues et les poupes étaient fort élevées au-dessus de l'eau. Les bordages de chêne d'une épaisseur remarquable étaient attachés à leurs flancs par d'énormes boulons de fer. Les ancres pendaient à des chaînes en guise de câbles, et au lieu de voiles, leurs vergues étaient garnies de peaux flexibles, bien tannées, soigneusement corroyées, dont la force pouvait braver les tempêtes de l'océan. Les Bretons avaient en outre déjà renoncé à l'usage des rames. La flotte romaine, plus légère, n'allait qu'à la rame. Elle devait nécessairement se briser contre les masses ennemies ou sur les rochers du littoral. Les Vénètes ne doutaient pas de la victoire, et leur armée navale, sortant des ports où elle était en sûreté, vint se placer devant celle des Romains. César, ayant compris les dangers qu'entraînerait la réalisation de son premier projet, s'était arrêté au parti d'un simple combat naval. Personne parmi les Romains, chefs ou soldats, ne songea d'abord à la possibilité du succès. Les traits que leur lançaient les vaisseaux bretons les frappaient de haut en bas avec une grande force, tandis que les leurs, tirés de bas en haut, les effleuraient à peine. Mais le vent ayant baissé, les Romains virent que leurs ennemis ne pouvaient plus manœuvrer facilement. Au même instant, ils conçurent un merveilleux expédient. Ils préparèrent de grandes faux, comme celles dont on usait pour défendre les remparts, longèrent les vaisseaux ennemis et parvinrent à couper les cordages qui servaient à la manœuvre des voiles. Les Vénètes furent perdus et durent en venir au combat à l'abordage dans lequel brillaient surtout les Romains. Le sort de l'Armorique fut décidé en peu d'heures. Un grand nombre des vaisseaux bretons furent pris d'assaut, et tout un peuple tomba ainsi en un seul jour. Défaite d'autant plus terrible que les hommes jeunes, aussi bien que ceux d'un âge mûr, étaient accourus de toutes parts pour défendre l'indépendance et la liberté du pays. La plupart préférèrent la mort à l'esclavage. Les forts se rendirent l'un après l'autre à César, qui se vengea en barbare. Il ordonna de sang-froid le massacre du Sénat des Vénètes et fit vendre à l'encan toutes les familles de la contrée. Les diverses provinces bretonnes étaient gouvernées, sous la domination suzeraine de Rome, par des princes qui prenaient le titre de rois ou de ducs et qui reconnaissaient encore la suprématie du roi de Trinovante, aujourd'hui Londres. Un des derniers, nommé Corel, d'abord duc de Kérolom ou Gloucester, fut le père de Sainte Hélène, la première impératrice que l'Église ait placée au rang des saints, la mère du grand Constantin. À la mort de Corel, Octavius, son frère, duc de Windsor, s'empara du trône de Bretagne. Arrivé à une grande vieillesse et désirant pourvoir aux soins de son gouvernement, il rassembla les grands de ses états et leur demanda conseil sur le choix de son successeur. Il n'avait qu'une fille, mais il lui restait un neveu, qui était Conan Meriadec. Les avis furent partagés. Les uns proposaient Conan, d'autres Maxime, dont l'union avec la fille d'Octavius devait être le gage d'une paix éternelle avec les Romains. On se sépara cependant sans rien décider, et Conan sortit rempli d'indignation. Caradoc, qui avait proposé Maxime, l'envoya aussitôt invité à se rendre dans la Grande-Bretagne. Comme il l'avait prévu, l'ambitieux Romain arriva bientôt avec de nombreux amis. Octavius, qui penchait pour Conan son neveu, surpris de l'arrivée du général romain, pensa à l'instant que les avares dominateurs du monde exigeaient de lui de nouveaux tributs. Il appela Conan, lui ordonna de réunir ses chevaliers pour marcher contre l'étranger, et bientôt la plus vaillante jeunesse suivit Conan et parut devant Maxime. Déjà effrayé de sa propre témérité, le Romain se dit, en les voyant, que ces hommes, si braves qu'ils fussent, étaient hors d'état de résister à cette armée 10 fois plus forte que la sienne. Le fils de Caradoc, qui connaissait les mœurs de ses compatriotes et les intrigues de son père, lui conseilla de faire sortir de son camp 12 vieillards, tenant élevés des rameaux verts en signe de paix et chargé d'annoncer que Maxime n'avait d'autre mission que de porter à Octavius des mandements impériaux. Le nombre considérable de guerriers qui accompagnaient Maxime fut expliqué par la juste crainte qu'il devait avoir des jaloux de sa gloire passée et des ennemis de la puissance de Rome qu'il représentait. Ses raisons et ses excuses furent acceptées, non sans peine, surtout par Conan qui voulait la guerre, et l'on arriva à Trinovante, réconciliée en apparence. Maxime épousa la fille d'Octavius et, soutenu par un parti formidable, devint héritier de la couronne en 381 de Jésus-Christ. Conan se rendit en Albanie, arma les Pictes et les Écossais et déclara la guerre à Maxime. Après une lutte sanglante, les légions romaines ayant proclamé Maxime empereur, il eut une entrevue avec Conan et lui offrit une partie de l'Empire que sa nouvelle position lui faisait un devoir de conquérir. Conan se donna sans réserve à l'usurpateur, qui n'exigea de lui que son amitié et le secours de son bras. Le vaillant, le hardi, le généreux Conan rassembla ses amis, ses alliés, ses serviteurs, tout ce que la jeunesse de l'île offrait de brillant, de braves et d'aventureux, et leur communiqua tous quelque chose de sa grande âme. Il leur promit la conquête du monde. Les légions romaines qu'il commandait s'embarquèrent suivies de plus de 12 000 volontaires bretons et abordèrent dans la péninsule armoricaine l'an 383 de l'ère chrétienne. Conan Meriadec, 383-427. Le premier pas de Conan sur le sol de l'Armorique fut une victoire. La ville d'Oxymore était défendue par une forteresse où se trouvaient des troupes romaines. Il l'assiégea et elle se rendit. À la nouvelle des succès croissants de Maxime, l'empereur Gratien s'émut et adressa à tous les gouverneurs du littoral des Gaules occidentales ou provinces armoricaines l'ordre de réunir leurs troupes pour s'opposer au débarquement de l'usurpateur. Mais il était trop tard, et le préfet Jubaldus, après avoir perdu 15 000 hommes de son armée, vit le reste de ses soldats grossir les rangs des partisans de Maxime. Quelques jours après cette horrible défaite, Rennes était assiégée par l'usurpateur, et Conan Sulpicius, qui commandait la garnison de cette ville, apprenant le désastre de Jubaldus et la défection des troupes romaines, se rendit sans résister. Maxime, après avoir confié Rennes à son lieutenant, marcha sur Nantes, qu'il réduisit promptement. On l'accueillait partout comme un libérateur, car il accordait sans peine au peuple, écrasé d'impôts par les mandataires de Rome, la punition des exacteurs. Il favorisait le culte des chrétiens qui commençaient à être nombreux et achevait la ruine du polythéisme. Nantes devint sa résidence. Tout le servait à souhait, mais il sentait que la continuation de ses succès dépendait de l'aide de Conan et de ses braves. Que serait-il devenu si, désireux de revoir leur patrie, ils l'avaient abandonnée dans l'Armorique si récemment soumise? Maxime, qui avait déjà songé à les attacher au sol même qu'ils avaient conquis, se hâta de couronner roi Conan, leur chef le plus aimé. La portion de l'Armorique dont la souveraineté fut conférée à Conan par Maxime comprenait en outre du pays encore aujourd'hui spécialement appelé la Bretagne, une partie de l'Anjou, du Poitou, de la Touraine et du Berry. Conan, aussi sage administrateur qu'intrépide guerrier, pensa qu'un de ses premiers devoirs était de visiter en détail tout son royaume afin de s'assurer des besoins de ses peuples. Dans le pays de Léon, il fit ceindre de murailles les principaux havres de la côte, trop souvent visités par les pirates. Près d'Oxymore et de la mer, il fonda un château auquel il donna son nom et dont il fit une de ses résidences. Quimper, Vannes et plusieurs autres villes attirèrent son attention, et il pourvut à leur défense ou à leurs intérêts avec sagesse et bonté. Maxime venait de quitter Nantes pour aller porter la guerre sur les bords du Rhin. Cette ville, qui pendant quelque temps avait été sa résidence, devint désormais celle de Conan. Dans ses voyages, il avait entendu les plaintes de ses sujets et avait remédié aussitôt qu'il l'avait pu aux abus qu'on lui dénonçait. Après un examen de 2 ans, il pensa qu'il était assez bien informé pour fixer par des lois et des ordonnances le sort de ses peuples. Il se mit à l'œuvre et, tout en rédigeant un code nouveau, il sut respecter les vieilles coutumes et les anciennes libertés de l'Armorique dans ce qu'elles offraient de bon et d'utile. Après quelques résistances, les règlements de Conan furent adoptés et le peuple les suivit fidèlement pendant plusieurs siècles. Conan, veuf depuis quelques années, songea à se remarier. Il jeta les yeux sur la fille de Dionote, roi de Trinovante, et lui écrivit en ces termes, si nous en croyons un vieil historien. Conan d'Armoric à Dionote, conservateur des Bretons. Je te mande salut et t'expose que la terre de la petite Bretagne, où je règne, possède air serein, champs fruitiers, belles forêts, eaux et poissons, chasse plantureuse et terre convenable à labour, ni à défaut maintenant fort de sexe féminin pour les nobles. Pourquoi je te prie que tu me veuilles donner en alliance de sacré mariage ta fille Ursule, qui surpasse en beauté les autres jeunes filles de Bretagne, à laquelle je désire être époux, et que tu pourvoies d'autres femmes brettes, mes autres chers compagnons, et convenables à leur lignage, car ils refusent prendre des Gauloises de maison peu insigne et ignorante de notre langage. » Dionote accorda sa fille à Conan et fit réunir un grand nombre de jeunes filles de haute naissance qu'il donna pour compagnes à Ursule. Cette princesse, parée de vêtements de soie, de joyaux d'or, de fermeaux, de gemmes et de saphirs, comme il convenait à son rang, s'embarqua avec sa suite sur les navires de Conan. Ce fut un jour de tristesse pour la Grande-Bretagne, et l'événement qui le suivit en fit un jour de deuil éternel. Une tempête affreuse se déclara à la sortie du port de Trinovante, et bientôt on dut renoncer à toute espérance de salut. Plusieurs vaisseaux se brisèrent sur les rochers, d'autres sombrèrent. Celui que montait la princesse et ses nobles compagnes fut jeté, après quelques jours, sur les rives de la Hollande vers l'embouchure du Rhin, où une horde de Pictes et de Huns les massacrèrent sans pitié. L'Église a mis au rang des saintes Ursule et ses amis sous le vocable des 11 000 vierges. Quelques mois après ce funeste événement, Conan offrit ses vœux à Darerea, sœur de saint Patrice, l'apôtre de l'Irlande. La mère de Darerea était née dans les Gaules et se trouvait proche parente de saint Martin, évêque de Tours, que Maxime avait appelé à son conseil. Les compagnons de Conan s'allièrent presque tous à des familles armoricaines. Vers cette époque, Maxime, qui avait passé en Italie pour conquérir l'Empire d'Occident, fut, à la suite d'une sanglante défaite, livré à Théodose par ses propres soldats et massacré impitoyablement. Conan, qui reconnut toute l'étendue de la perte qu'il venait de faire, obtint, par des soumissions peu importantes, le retour des troupes bretonnes qui avaient suivi son ami. Elles revinrent en Armorique, et le roi de Bretagne, redoublant d'activité, renforça les garnisons qui protégeaient les limites de ses états. Depuis longtemps, Conan mûrissait dans son esprit une pensée dont l'exécution offrait de grandes difficultés, mais sur les conséquences de laquelle il fondait à juste titre l'affermissement du christianisme et de sa propre puissance. Il voulait anéantir sans retour et le polythéisme et le druidisme. À cet effet, il réunit dans la ville de Rennes les états généraux de la Bretagne, selon les formes que les armoricains avaient jadis affectionnées. Comme autrefois, il fut permis aux communautés des villes de se réunir et d'élire des députés. Mais 300 ans tout à l'heure s'étaient écoulés depuis les dernières assemblées, et la tradition des règles en usage dans les élections s'était même perdue. On eut recours aux druides qui répondirent que tous les suffrages étaient égaux et libres, que le vote du dernier citoyen valait celui du roi lui-même et que trois classes étaient appelées à former les états généraux, savoir le peuple, les guerriers ou les nobles et les prêtres. Conan déclara qu'on suivrait de point en point leurs conseils et, l'adoptant à la lettre, il ordonna que les prêtres chrétiens seraient éligibles et que les évêques paraîtraient de droit dans l'assemblée comme le grand chef des druides. Le même privilège fut accordé aux prêtresses de l'île de Seine sur leur réclamation. Tous les prêtres chrétiens qui se trouvaient alors dans la Bretagne furent choisis pour représenter les opinions religieuses. Les druides, exclus par le vote, se virent réduits à quelques chefs de communauté. Les états généraux s'ouvrirent, présidés par Conan. Il était revêtu de ses armes, portait l'épée au côté et tenait dans sa main une longue baguette blanche, ornée à son extrémité supérieure d'une fleur d'argent pareille à celle du lotus. Il s'assit et ses plus vaillants capitaines se rangèrent autour de lui. Les évêques et leurs clergés entrèrent ensuite et furent suivis des druides avec leurs chefs. Les vierges de l'île de Seine fermaient la marche. Elles étaient au nombre de 9. La discussion fut vive et imposante. Les bases des lois fondamentales du royaume et de l'administration générale y furent posées. La tradition n'a conservé qu'un faible souvenir de la plupart des points qu'on y traita. Les druides furent ensuite écoutés, mais avec froideur. Le règne de leur doctrine était passé, et ils comprirent que le christianisme les avait vaincus. Ils allaient se retirer prudemment et sans bruit lorsque la grande prêtresse se répandit en invectives contre Conan et proféra des paroles tellement séditieuses que l'indignation gagna le cœur de toute l'assemblée. « Sortez, dit Conan aux druides et aux vierges de Seine. La patrie vous rejette, je vous retire ma protection. J'ai trop longtemps balancé entre les intérêts humains et ceux du Dieu que je sers. » L'assemblée des états continua ses travaux, qui n'éprouvèrent désormais aucune interruption. Des décrets ordonnèrent la fermeture des collèges des druides comme celle des temples païens, et il leur fut expressément défendu de se mêler davantage de l'éducation de la jeunesse, qui fut désormais confiée aux ministres de la religion chrétienne. La plupart des chefs qui avaient suivi Conan se convertirent à la foi du Christ. Les armoricains n'eurent pas besoin de cet exemple. Le nombre des chrétiens surpassait déjà dans les villes celui des idolâtres et des païens à l'époque de l'invasion de Maxime. Les druides ne furent pas les derniers à reconnaître la vanité de leur doctrine. Et Conan les accueillit avec bonté et avec honneur. Plusieurs se consacrèrent au service des autels et achevèrent dans la retraite des jours sanctifiés par la prière. Seules les prêtresses de l'île de Seine, avec quelques druides, protestaient l'injure à la bouche contre les pacifiques conquêtes du christianisme et prêchaient l'insurrection contre toute autorité. L'opinion publique poussa Conan à en faire justice et leur destruction devenue nécessaire rendit la paix au pays, qu'elles avaient si longtemps tenu asservie dans le mensonge et les pratiques cruelles d'un culte sanglant. Conan mourut peu de temps après avoir mis la dernière main à toutes les grandes réformes qui ont honoré son règne. Il fut regretté de tous. On l'inhuma à Saint-Paul de Léon. Tous les souverains et les ducs de Bretagne se sont fait honneur de descendre de Conan Meriadec ou Cunning Murdoch. La généalogie d'Anne de Bretagne, deux fois reine de France, par ses mariages avec Charles VIII et avec Louis XII, partait de cette tige héroïque. On a longtemps cru Conan le premier auteur de la noble devise qui sert d'épigraphe à ce livre. On rapportait que, débarquant sur les côtes de l'Armorique, il aperçut des hermines qui se réfugièrent sous son bouclier. Frappé de ce présage qu'il jugea favorable, Le conquérant aurait fait peindre un de ces petits animaux sur ce bouclier même et aurait pris pour devise ces mots sublimes « Malo manquam fœdere ». J'aime mieux mourir que de me souiller. À cela, comme l'a fort judicieusement dit un historien moderne, nous ne voyons qu'une difficulté, c'est que du temps de Conan, on ne prenait pas de devises et qu'on n'avait pas d'armoiries. Leur usage ne date que des premières croisades. La Bretagne a gardé la devise de Conan et son histoire la justifie d'une manière admirable.